Il est 17h07, passé de 15 secondes à 18h, le journal avec Laetitia Gaillet. Tout de suite, si tu écoutes, j'annule tout, Charline Vanhoenacker. Vous êtes en direct Dominique de Montpellier. Delarois. Mais de Montpellier, et vous savez qui est venu? Mais non. Plein de gens. C'est pas plein vrai. De gens. Nous sommes à l'hôtel de Lille. Ah bah ça, c'est du public. Hein. Avec un invité exceptionnel aussi. Vous allez vous rendre compte qui c'est. Dans la conférence de rédaction, écoutez ce qui s'est passé ce matin à Montpellier. Qui a dit, je cite, « La femme infidèle a des remords, la femme fidèle a des regrets ». Fin de citation. Ça, c'est André Manoukian. Non. Sacha Guitry. Salut à tous. Salut Charline. Qu'est-ce que vous faites? En fait, j'ai eu une nouvelle idée de séquence pour l'émission. Ce serait des auditeurs qui enverraient des questions, genre des citations, et nous, on devrait trouver l'auteur. Tu vois, question de Madame Mélamois dans le Bar-Rhin. Hein. Qui a dit... Ça existe déjà, ça s'appelle les grosses têtes. Ah voilà, je me disais bien que j'avais entendu ça quelque part. Super. Surtout si vous avez d'autres idées comme ça, vous n'hésitez pas. N'hésitera pas à te les dire, Charline. Allez, gardez pour vous surtout. Allez, on perd du temps. Allez, les sujets du jour, l'invité, on peut pas. Ah bah attends, parce que là j'en ai une bien là. Qui a dit, je cite, il doit se poignarder le cul avec une saucisse. Fin de citation. Ah bah ça c'est André Manoukian. Non. Sacha Guitry. Non. Attendez, j'aimerais qu'on bosse sur l'invité là, s'il vous plaît. Mais justement, c'est l'invité qui a dit ça. Mais oui, Louis Nicolin. L'invité. Oui. Il a dit ça. Eh oui. Mais vous m'aviez pas dit que Louis Nicolin c'était un poète montpellier. Si, c'est moi qui t'avais dit ça. C'est un poète, hein, mais dans un style un peu particulier. Exactement. Exemple. Exemple. Il a dit aussi, je cite. Mes joueurs, je les paye plus cher que mes maîtresses, et mes maîtresses, au moins, elles me régalent la chic. Fin de citation. Elles me régalent la chic. Oui, c'est du patois local. Mais non, elle lui régale la chic, ça veut dire qu'en fait, elle le prenne. Oui, bon, ça va, mais merci Guillaume, j'ai compris ça. Mais attendez, il faut que je revoie toutes mes fiches, moi, mais moi je suis foutue. Mais non, calme-toi, Charline, ça va aller, tu vois, André, il va lui parler musique. Ah non, je suis pas sûre, là, parce qu'il a dit, je cite, je préfère regarder un match de curling qu'écouter du Mozart. Fin de citation. Mais moi, j'y connais rien en curling. Mais non, mais ça va aller, je vais lui parler un peu de foot, ça va mais aller. Mais non, mais si l'invité veut parler de curling. Mais non, c'est le président du club de foot de Montpellier. Non, mais pourquoi est-ce qu'il parle de curling? Mais non, mais j'en sais rien, il parle bien de saucisse. Oh, moi, je m'en fous, mais si on parle foot, toi, tu gères. Mais oui, je connais bien le foot, moi, Sébastien Chabal, Serge Blanco. C'est du rugby, ça, Guillaume. Ah, c'est du rugby, ça, oui, d'accord. Mais c'est pareil, non, le foot et le rugby, ça. Oh, mais on est foutu, là. Moi, j'ai plus qu'à me poignarder le cul avec une saucisse. Fin de citation. Bonjour, bonjour la France Inter, bonjour Montpellier Inter. Eh oui, vous écoutez l'émission qui pousse l'actualité dans l'escalier et voici les trois informations que nous allons aborder jusqu'à 18h. Le Midi Libre a remis ses trophées aux sportifs de la région. Ça permet de mettre en compétition des gens qui ont déjà gagné une compétition. Et comme le Montpellier Héros a fêté ses 40 ans, son président Louis Nicolin a reçu un trophée d'honneur. Tiens, je vais me faire attendre, moi. C'est qui ? Surprise, devinez qui vient rendre visite à Vladimir Poutine. C'est François Hollande et Angela Merkel. Le président est parti en escapade à Kiev et Moscou avec la chancelière. Un rendez-vous ? Ah, c'est une grosse folie ! Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées vont fusionner. La crème des journalistes est sur le coup pour préparer la population au changement. Regardez bien la carte, mettez-vous bien en tête. Dans quelle région vous serez en 2016? Et pour s'emparer de ces infos, j'ai emmené avec moi mon équipe de cancre de l'information. Nous l'avons lâché ce matin dans les rues de Montpellier. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Charline, bonjour Montpellier. Effectivement, donc je me suis promené ce matin dans Montpellier pour discuter entre autres de notre invité. J'aime bien le foot, mais monsieur Nicolas, des fois il est un peu vulgaire. Ah ouais, voilà, on verra ça tout à l'heure. Sa famille est de la région, mais elle est arrivée avec la dernière calèche en provenance de Paris. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour et bonjour Montpellier. Alors, vous êtes à moitié régionale de l'étape et vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, Clara? Oh bah, Montpellier en littérature, qu'est-ce que ça donne? Et ça donne des battements de cœur. Alors, comme tous les vendredis en fin d'émission, vous retrouverez le fin limier du couplet et du refrain, Frédéric Fromet. Et puis, nous avons aussi un invité, un humoriste régional de l'étape, complètement. Laurent Pitt est avec nous et il a préparé une chronique du cru. Bonjour Laurent. Bonjour à tous, ça va? Une chronique Sud sur Montpellier ou sur ces Parisiens qui débarquent à Montpellier peut-être ? Oui, tout à fait. Je veux dire que je suis ravi d'être ici. Oh, écoutez, on est ravi de vous accueillir chez vous. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous Albert Lebrun. Vous décrochez votre premier contrat dans l'entreprise familiale de nettoyage urbain et traitement des déchets en 58 quand Serge Gainsbourg chante le poinçonneur des Lilas. Vous devenez président de ce qui deviendra le Montpellier Hero Sport Club en 74, c'est l'année du premier seul en scène de Coluche. Vous remportez la Coupe de France en 90, l'année de la libération de Nelson Mandela, et vous avez remporté la Ligue 1 en 2012. Vous êtes, je vous laisse le dire dans le micro. Allez, c'est vous notre invité ou quoi? Je sais pas. Eh ben, Louis Nicolas. C'est Louis Nicolas. En tout cas, je vais vous dire quelque chose. Je suis fortement surpris parce que je croyais qu'on allait parler football. Et là, on va parler de tout sauf du football. Ça, vous allez voir, parce que tout ramène au tous les chemins. Et par contre, à la saucisse, vous auriez dû ajouter saucisse de morteau, parce qu'elle est plus dure. Ah oui, donc on va parler d'autre chose que de football aussi, c'est bien. Alors, nous sommes à Montpellier. Et alors, à Montpellier, Louis Nicolin, c'est Dieu. Tu parles. Mais oui, mais c'est ce qu'on m'a dit. Moi, tous les Montpelliérains que j'ai croisés depuis ce matin m'ont dit, mais vous recevez Dieu. Alors moi, j'ai une pression pas possible. Ouais, vous avez des intégristes. Hein. Il y a des gens qui se font sauter comme ça dans d'autres clubs pour vous. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ou moins, tiens, par exemple, un trait qui est connu de votre personnalité et de vos activités. Vous avez un musée avec plus de 4000 maillots de foot. Alors, vous avez vraiment le foot dans le sang et votre club dans le sang. Et des maillots des plus grands joueurs de la planète. Ça veut dire quoi, cette collection, Louis Nicolin ? Vous courez après quoi avec tous ces maillots ? Vous êtes un peu en retard parce qu'il y en a 6000. Voilà, d'accord. Et en plus, il n'y a pas que du football, il y a tous les sports. Mais j'aime ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais comment vous faites pour récupérer les maillots ? Il y a même un maillot de Pelé. Vente aux enchères. Ah, le maillot de Pelé ? C'est mon ami Michel Platini qui me l'a donné quand le président de la fédération chilienne lui a offert lors d'un match Chili-Brésil. On ne peut pas visiter ce musée, c'est que pour vous. Mais si, je vous emmènerai même dans la petite voiture, parce que comme il est long, j'ai pris une petite voiture de golf. Ah, c'est vrai ? Ah, voilà, dis donc. Je suis feignant un peu. Alors, il arrive aussi que vous disiez à vos joueurs de foot, si vous ne jouez pas bien sur le terrain, vous irez ramasser les poubelles. Ça leur permet de relativiser, ça d'avoir un patron qui est... Non, ça va ? J'ai lu ça dans la presse. C'était dans les Inrocks, parce que vous êtes branché, vous avez le swag. Il y a un moment, ça, oh. C'est plutôt les jeunes du centre de formation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ramasser les poubelles à des mecs de 25-30 ans qui gagnent 40, 50, 60 000 francs par mois. Ouais, 60 000 euros. Ah oui, mais il y a un côté schizophrène. Vous avez vos ouvriers et puis vos autres ouvriers. Deux catégories d'ouvriers, en fait. Demain, je dois partir à la guerre. Je préfère partir avec mes ouvriers des poubelles. Hein. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'ils sont censés tirer, ils sont censés viser les autres quand même. Je pense qu'ils feront mieux le paravent quand même. D'accord. Allez, nous sommes ensemble avec Louis Nicolin. On va parler un peu de tout, comme vous dites, mais tout ramène aussi au football. Oh. Et puis on va parler des trophées du Midi Libre. Là, on va parler de foot quand même, Louis. Si, je vous assure. Faites-moi confiance. Vous n'avez pas l'air de me faire confiance. Si, je vous fais confiance, mais c'est pas le football qui m'a le plus impressionné hier au soir. Ah bon, c'est quoi ? On peut savoir. Le décathlon. Ah, alors, allez-y, profitons-en, le décathlon. Mais moi, j'y connais rien. Le jeune Kevin Meyer, qui a fini deuxième, faire 10 épreuves d'athlétisme comme ils font, moi, je dis bravo. Et je serai une femme, je me frotterai contre. Parce que voilà le mec. Hein. Ah oui, mais écoutez, je vous propose de danser, mais c'est pas un slow. Ah, Clara vient de partir pour se frotter. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h. I can't be sure. l'hôtel de ville, magnifique hôtel de ville, superbe bâtiment. Louis-Nicolas, c'est impressionnant ce bâtiment de l'hôtel de ville de Montpellier. Ah oui, c'est très impressionnant et c'est un beau bateau. Oui, c'est un bateau, c'est vrai. Oui. Avec un bon commandant. Et pour cette croisière, à votre droite, il y a Clara Dupont-Monneux qui vous avait fait connaissance, qui vous a cité d'ailleurs, qui cite vos plus belles répliques. Il y a Guillaume Meurice et Laurent Pitt. Et tiens, dans 20 minutes, on retrouvera le moment Meurice qu'on a lâché dans les rues de Montpellier. Il sera question de vous, Louis-Nicolas. Préparez-vous. Et avant cela, une petite revue de presse à deux voix avec vous, Guillaume. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence cette revue de presse avec une grève des moniteurs d'auto-école aujourd'hui à Paris. Oui, Charline, en effet, ils font une opération Liliane Bettencourt. Une opération Liliane Bettencourt. Une opération escargot, pardon. Ah oui, d'accord. J'ai confondu parce que les deux ont tendance à beaucoup baver, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça. Et donc, oui. Donc, ils manifestent aujourd'hui contre la réforme du permis de conduire. Ils roulent donc au ralenti sur le boulevard périphérique pour créer des bouchons. Ah, donc les gars se sont dit, on va créer des bouchons, donc on va se mettre sur le périph. Voilà, c'est ça. Voilà, alors rappelez-moi ce qu'il y a tous les jours sur le périph. Bah, des bouchons. Voilà. Donc la prochaine fois, ils vont faire quoi? Alors, ils ont prévu une grande action où ils jetteront des seaux d'eau dans la mer Méditerranée. Ah, waouh! Ouais. Ils ont prévu aussi de déverser des seaux de terre comme ça en pleine campagne. Ah, oui, très bien. Ouais. Moi, j'avais une idée comme ça. Je voulais déverser des tonnes de fumier dans une conférence de la rédaction de Valeurs Actuelles. Parce que c'est vrai qu'il y en a déjà pas mal. Oui. Alors, puisqu'on parle de terre et de. Vous êtes lecteur de... Pas spécialement. Véridique, mais... hein, véridique. Ah, ça balance. Hein. Ce sont des informations, hein. Tout est vrai. Tout est à base de vraies informations. Bah, oui. Puisqu'on parle de terre et de fumier, alors parlons de vers de terre. Ah oui, vraie information aussi. Hein. Lue ce matin dans le Midi Libre, je cite le titre, « La mamie de 83 ans met en échec l'exterminateur d'asticots ». Pardon ? Eh oui, c'est véridique. C'est un mec qui faisait croire à une mamie que des vers de terre avaient envahi son logement et qui proposait de l'en débarrasser, quoi, moyennant finance, évidemment. Ah, voilà. Le salaud ! Et oui, elle ne s'est pas laissée faire. Ouais, bravo, mamie. Bravo, mamie. On espère qu'à 83 ans, elle a encore de belles années devant elle avant de rencontrer les asticots. Voilà. En effet, puisqu'on parle de personnes âgées, c'est leur fête. Oui, terminons avec Liliane Bettencourt. Ah, escargot, donc. Non. Là, vraiment, Liliane Bettencourt avec son procès qui se poursuit. Et l'information principale qui va vraiment surprendre beaucoup, beaucoup de Français. Ah oui, pourquoi ? Oui, je vous la livre. Alors, c'est un scoop, hein, France Inter. Éric Woerth n'est toujours pas en tôle. Oh, en effet, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. Alors moi, je veux pas remplacer la justice, mais en signe de protestation, je vais déverser des liasses de pognon devant chez Liliane Bettencourt. Louis-Nicolas, on l'aurait compris, on pousse l'actualité par la fenêtre et après, il reste pas grand-chose, on ramasse ce qui reste. Hein. Ça, c'est comme ça. Et alors, c'est peut-être ce qui va arriver avec le premier sujet, mais attendez, il est question de vous et de foot, alors on va essayer de le traiter avec sérieux quand même. Le Midi Libre a distribué ses trophées aux sportifs de la région. Et vous, Louis-Nicolas, vous avez reçu le trophée d'honneur. Vous avez donc le foot et votre club dans le sang. D'ailleurs, vous déclarez dans le journal ce matin, dans le Midi Libre, « Mon équipe de foot, c'est la fille que je n'ai jamais eue et comme on n'abandonne pas ses enfants, j'irai jusqu'au bout. » Votre club, c'est ma fille, ma bataille, en fait, Louis-Nicolas. Vous auriez dû rajouter qu'on ne la mariera pas et qu'elle est toujours vierge. Ah, vous allez la garder à tout le temps. À 40 ans, c'est pas beau, ça. Vous n'avez pas peur que le Qatar vous la rachète? Non. On est bien à Montpellier comme on est. Bon, je regrette qu'il n'y ait pas plus de spectateurs au stade, mais enfin, il fait froid, les gens n'aiment pas trop sortir. Tant pis, on fait avec. Et ma foi, si on pouvait finir dans les 6-7 premiers, ça serait une très bonne chose. Alors, le Midi Libre a distribué des trophées aux sportifs. Donc, on a distribué des trophées aux sportifs qui ont déjà gagné des trophées. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc, on met en compétition des gens qui ont déjà remporté une compétition. Moi, je n'ai pas très bien compris le but. Donc. Mais si, dans la région Languedoc-Roussillon, ils ont voulu récompenser le meilleur sportif ou la meilleure sportive. Parce que c'est important, ça fait partie de l'identité régionale, ça, les sportifs. Oui, enfin, je pense qu'un gars comme Martin Fourcade en biathlon méritait d'être premier. Ah voilà, il est sorti premier du vote. Ouais, par contre, j'étais très impressionné par la Sétoise qui fait du ski nautique avec deux jambes accidentées. Oui, Delphine Le Sauce. Voilà, et qui s'exprime d'une façon exceptionnelle. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'exprimait mal? Parce qu'elle a des problèmes aux jambes. Putain, je reconnais qu'à droite, dur, dur, hein. Ouais. Mais je suis sûre que d'ici 18h, avec Clara Dupont-Mono, il y a une idylle naissante. Là. Vous parlez de Delphine Le Saut, ce qui vient de 7. Parce que la dernière fois que Pistorius, il avait essayé de s'exprimer, c'était un problème. Et alors, les footballeurs, alors... par contre, ils ont des jambes qui fonctionnent bien, mais ils ont du mal à s'exprimer. Laurent Pitt. Putain, mais... Ça fuse, Louis-Nicolas, ici. C'est, Vous m'avez mis dans une galère terrible. Non, je vais vous en sortir. Vendroux me dit, tu viendras vendredi, on parlera football et ceci et cela. Ah, vous êtes trompé d'émission, en fait. Il s'est trompé d'émission. Vous savez si je pars en couille, je partirai en couille. Hein. Je vous ai dit, Louis, regardez-moi, faites-moi confiance à moi. Vous... Ne les écoutez pas, eux. Vous parce êtes charmant, que... d'ailleurs. Mais voilà, merci, Louis. Vous voulez vous frotter, Charlie? Je vais repartir avec vous, Louis. Mais moi, je trouve Louis charmant. Alors, attendez, justement, on parlait... Je lui ferai pas trop mal. Je me moquais un petit peu des trophées, Louis-Nicolin. Oui. Mais donc voilà, ça a été l'occasion pour vous de rencontrer des sportifs de haut niveau dans différentes disciplines, et dont Delphine Le Saut, donc ski nautique, handisport. Il y avait aussi Mickaël Guigou et Mathieu Gréby, Montpellier Handball, vous les connaissez, Quito de Pavant pour la voile. Bon. Et alors, qu'est-ce que vous retirez de ces rencontres avec des sportifs de haut niveau dans d'autres domaines? Vous qui êtes passionné de sport, mais de tous les sports. Dirons-nous que c'est bien de parler avec des sportifs. Et vous savez que dans mon entreprise, parmi les cadres que j'ai, j'en ai de nombreux, j'ai beaucoup d'anciens footballeurs, d'anciens rugbymen, d'anciens basketteurs. C'est quelque chose qui me plaît. Le sportif est quelqu'un de sain. Ah oui, de sain, corps et d'esprit. Pas le cycliste alors, du coup. Il n'est pas considéré comme un sportif. Alors attends, de cycliste, non, j'en ai pas. Et voilà, ça c'est ça, je Alors, Louis-Nicolas, ça va peut-être vous intéresser. Regardez, c'est dans le Midi Libre aussi ce matin. Moi, je lis ce titre, Régis Courtois sur le circuit de beach tennis. Alors, est-ce que vous connaissez le beach tennis? Moi, je ne connaissais pas. Le beach tennis, ben, ça doit être le tennis sur la plage, non? Oui, tout à fait. Parce que je parle un peu. Et non pas avec des putes. Voilà. C'est le beach. Attendez, parce que c'est un jeu sur le sable et c'est du tennis sans rebond. Ah bah oui, tu parles, la balle, ils ne vont pas... Bah oui, évidemment. Alors c'est Régis Courtois, champion de France 2014, qui fait du beach tennis, un vrai projet professionnel et personnel. Je sais pas, il y a peut-être un club à créer. C'est un sport qui manquait à votre corps, peut-être. ça m'intéresse. Non, ça y est. Le beach volley, pas mal. Hein. Ah, ça par contre, ça vous intéresse. Les gonzesses, elles ont des cuits. Ah oui, c'est ça. Allez, nous sommes ensemble avec nous, Louis-Nicolas, et alors le co-régional de l'étape, Laurent Pitt. On est curieux de découvrir le style d'humour. Vous allez me faire partir en couille. Ça part en couille. Non. Il me prévient qu'il me dit ça va partir en couille. Louis, je suis là pour cadrer cette émission. Mais non, vous en avez deux surtout, donc c'est pas un problème. Mais. Mais vous êtes bien renseignée, Clara? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Il se passe un truc entre Louis-Nicolas et Clara Dupont-Mono. Mais elle est bonne, non? Ah, mais elle est très jolie! Moi, je cadre comme les tirs au but. Donc, j'en étais à Laurent Pitt. C'est votre moment, c'est votre instant. On a envie de découvrir l'humour made in Montpellier. Laurent, c'est à vous. Oui, merci. Est-ce que ça va, Montpellier? Ouais! C'est pas assez. Est-ce que ça va, Montpellier? Ouais! Visiblement, Montpellier va bien, mais détrompe-toi, France Inter. Montpellier n'est pas dupe. Oui, le Montpellierien, fier et averti, te voit arriver, toi, radio nationale, radio parisienne avec tes gros sabots, ou plutôt tes petits escarpins Agnès B. Je te vois arriver, France Inter. Comme par hasard, tu as choisi pour représenter la ville de Montpellier sur ton antenne, Louis-Nicolas et moi. Bon, moi, c'est pas grave, sans doute une erreur. Je veux dire, personne ne me connaît. D'ailleurs, je profite que je suis sur l'antenne nationale pour dire que je fais une animation saucisse au rayon charcuterie du Monoprix de la Place de la Comédie. Vous me reconnaîtrez, je serai déguisé en poulet. 3 pour le prix de 2, venez nombreux. Moi, passe encore, donc. Mais Louis-Nicolas, non. Non, non et non. Je te vois arriver, France Inter. Je lis clair dans ton jeu. Je sens le sourire goguenard qui se cache dans cette invitation de Louis-Nicolas, ici, au cœur même de la boboitude nationale. Quelle est-elle l'image que vous, médias parisiens, confie de certitude, le cœur gorgé d'autosuffisance et portant haut l'assurance tartuffienne d'incarner par votre petite présence contrite et arrogante la normalité, voulez-vous donner de notre Louis-Nicolas? Celle d'un président de club de foot gros, vulgaire et homophobe? Alors que tout le monde le sait ici, il n'est pas homophobe. Non. Ouais. Alors bien sûr, il a un sens de la métaphore qui lui est propre, avec des citations qui ont fait sa notoriété, vous en parliez tout à l'heure, comme par exemple le fameux, je cite, « Je me mets à la place du président du PSG qui a un budget de je sais pas combien, quand il voit celui de Montpellier, il doit se poignarder le cul avec une saucisse, le mec. » Saucisse de morteau, merci. Et encore, avec une saucisse, ça fait pas trop mal, quoique de morteau. Oh, dur. Alors voilà, après ça, évidemment, je vous accorde qu'on n'a pas prévu d'ouvrir tout de suite à Montpellier une école Louis-Nicolin. Vous imaginez la dictée. Il doit se poignarder... Poignarder... Attention, il y a un piège. Il doit se poignarder le cul... Le cul... Avec une saucisse, virgule. Mais méfiez-vous, Louis. Cher Loulou, monsieur le président, car oui, moi je vous appelle monsieur le président, ils ne reculeront devant rien. Plus grave, que feront-ils le jour de votre décès ? Oh, à quoi, monsieur Louis-Nicolin, ressemblera l'hommage hypocrite à la sauce France Inter ? Je le vois déjà, ce petit scribouillard stagiaire, chargé de préparer votre nécrologie, cette petite tarlouse, comme vous le diriez, qui prendra bien soin de truffer l'hommage posthume de déclarations pittoresques, telles que « Mes joueurs, je les paie plus cher que mes maîtresses, et mes maîtresses, au moins, elles me régalent la chic !» Bien sûr, ils prendront le soin d'enrober le tout avec une conclusion politiquement correcte du type une outrance verbale qui n'était que le pendant de sa grosse générosité. J'imagine aussi déjà la chronique d'André Manoukian, saluant la stature dionysiaque du Pantagruel Camarguais, dont l'aura d'un chaman élevé au knackibol résonne encore dans chaque parole du si typique et des si désormais si lugubre, je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Songez donc, monsieur le président, au sort qu'il réservèrent naguère au subtil et délicat Georges Fraîche, qui disait affectueusement à propos de ses chers concitoyens « Je fais campagne auprès des cons, et là je ramasse des voix en masse. » Les gens, ils m'aiment. Les gens, ils m'aiment. Non, je ne laisserai pas faire ça. Nous, Montpelliérains, ne laisserons pas faire ça. C'est pourquoi je vous propose, cher Louis, de lire ici ces quelques lignes d'un immense poète local, William Shakespeare. Si, venez en vacances à Palavas. Et là, je peux vous dire que vous allez tous leur couper l'herbe sous le pied, ou plutôt le gazon sous le crampon. Si vous voulez bien lire, monsieur Nicolas, j'aimerais vous entendre lire sur l'antenne de France Inter du Shakespeare. J'ai lu un peu, et je comprends rien. Shakespeare n'était pas bon au foot. La vie n'est qu'une ombre errante, un pauvre acteur qui se pavane et s'agite une heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. Dur, hein ? C'est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit, moi j'aurais dit plein de bruit, et de fureur, et qui ne signifie rien. Bravo, bravo. Quel acteur ! Quel acteur ! J'ai passé trois fois le bac, j'ai eu 3-0. En français, hein. En maths, j'étais très fort. Mais Shakespeare, il n'a pas eu le bac non plus. Merci Laurent Pitte. Et merci pour ce beau duo avec merci Louis à vous. Nicolin. Et je voudrais ajouter Louis Nicolin. Vous moquiez un petit peu en disant qu'il n'y avait pas d'école à votre nom. C'est pas vrai. Je suis allée vérifier. Il y a une école à votre nom sur le continent africain. Très juste. Ah, en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, un de vos joueurs qui a ouvert une école et qui a choisi de mettre Ibrahima Bakayoko. Et voilà. Et donc on salue la première école Louis Nicolin en Afrique. On attend qu'on en fasse autant en France. Celui-là, il avait oublié d'être con, hein. Et c'est moi qui paye, donc tout va bien. Ah voilà. Allez, on est ensemble avec Louis Nicolin. Et c'est un grand plaisir parce que ça, en plus, on est à Montpellier. Ensemble, jeunes, jusqu'à 18h. Dans cette équipe, j'annule tout. Il est déjà très copain avec Clara Dupont-Mono, mais arrive derrière Guillaume Meurice. Ça va être une autre histoire. Le tout sur France Inter. Miss you. Local. Oui. Alors, Guillaume Meurice, on vous a lâché ce matin dans les rues de cette belle ville de Montpellier. Oui, en effet, en effet. Louis-Nicolas vous a inspiré, je pense. C'est votre fête aujourd'hui, Louis. Hein. C'est trop pour un seul homme, là. Ou qu'est-ce qui c'est? Écoutez, je suis là. N'ayez crainte, je vous tiens la main, Louis. Malheureux, quel régal. Allez-y, Guillaume. Alors, effectivement, oui, je me suis promené ce matin dans votre ville. Je me suis rendu d'abord sur la place que vous appelez Place des Grands Hommes. Alors, donner un nom de chanson de Patrick Bruel à une place, déjà, je trouvais ça un tout petit peu limite. À mon avis, c'est une idée de Clara Dupont-Mono, hein, vu ses goûts musicaux. Mais alors, je me suis renseigné, en plus, le prix que vous avez foutu là-dedans, 1 800 000 euros pour ériger des statues en bronze, grandes figures de l'histoire. Pas moi. Bah, j'ai pas dit vous, personne. Vous tous, mais vous étiez dans le coup aussi. À moins que vous soyez défiscalisés, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Alors, sur cette place, on retrouve Roosevelt, Lénine, le général de Gaulle, j'en passe, et des bien pires comme Mao, par exemple. Écoutez, c'est simple, il y a tellement de grands noms que je m'attendais à croiser Sarkozy, qui pourrait être sur la photo, sculptait sa propre statue en bronze dans un coin, comme ça. Hein. Mais bon, non, il n'y était pas. Il n'y était pas, par contre, j'ai croisé des Montpelliérains. Je leur ai donc demandé leur avis sur la place. Ça ne m'appartient pas du tout, croyez-moi. Vous aimez pas les présidents? Non, que c'est tous des bandits, pour leur dire. Ah oui, aujourd'hui, c'est des gangsters. Tous les présidents? Tous, sans exception. Mais regardez, il y a quand même le général de Gaulle, c'est un gangster. Ah oui, ça non, pas lui, non, à part lui. Mais tous aujourd'hui, là, c'est des... Bon. Et Mao Zedong, c'est un gangster ou pas? Ah, je connais pas celui-là. De toute façon, vous savez, la politique, ça ne me passionne pas. Bon, je finis les courses parce que vous m'en aille. Eh oui, il fallait qu'il finisse tes courses. Eh oui, parce qu'il faut savoir que cette place est en plein milieu d'un centre commercial. Et j'aurais bien aimé voir la tronche de Lénine si on lui avait dit qu'il allait se retrouver entre un distributeur de coca et un monoprix. Et je vous parle même pas du général de Gaulle entre un Starbucks café et un magasin de string léopard. D'ailleurs, il en manque des grandes figures de ce monde sur cette place. Demandons à un autre Montpelliérain. Qui est-ce que vous rajouteriez, vous? Quel est votre grand homme? Mon grand homme? Oh, alors là, vous m'en posez une... L'accent, le mec. Oui, Nicolas. Ah, oh, bravo. Excellente idée. Bon, par contre, faudra faire un petit régime, Louis, hein, parce que vu le prix du bronze en ce moment, va falloir rajouter 1 ou 2 millions, sinon, hein, donc soyez sur le coup. Toujours est-il que vous êtes un homme très très connu à Montpellier, évidemment, et vous êtes un homme clivant. J'aime bien le foot, mais monsieur Nicolas, des fois, il est un peu vulgaire. Quelle est sa citation la plus vulgaire, d'après vous? Je peux pas la dire. Est-ce que ça concerne une saucisse? Non. Ce qu'il y a en dessous de la saucisse. Ah, carrément, ce qu'il y a en dessous de la saucisse? Il le dit à des joueurs, quoi. Vous êtes des sales, quoi. Alors attendez, je vois pas. Il a carrément dit, vous êtes des couilles, quoi. Carrément. Ah, il a dit ça à ses joueurs? Ouais. Bah, peut-être c'est vrai. Ah ouais, mais enfin, ça se dit pas, quoi. Bah oui, c'est vrai, ça, Louis. Enfin, on dit pas aux gens qu'ils sont des couilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À la limite, les témoins de Jéhovah, parce qu'ils se déplacent toujours par deux, mais pas des joueurs de foot. Je vais te dire un truc, je suis pas une arme, moi. Ouais, mais j'ai fait les poubelles, bon, hein, et je fais les quand poubelles. Quand même, Louis, enfin, bon. Non plus, mais nous, on dit couilles souvent aussi. Comment? Ah, tout le monde dit couilles alors maintenant. Et bon, si d'accord. Si tout le monde disait couilles dans la salle, comme ça, Louis se sentirait moins seul. Très bien. Maintenant, vous voulez que les gens disent couille ? Allez-y, allez-y. Couille alors. Couille. Voilà. Couille. Bah voilà, on est tous des Louis-Nicolas. Hein. On va fabriquer les petites pancartes. Bon, poursuivons avec un autre Montpelliérain. Notre invité aujourd'hui, c'est Louis Nicolas. Est-ce que vous l'aimez bien ? Physiquement ? Je suis pas homosexuel pour juger les hommes, c'est vrai. Et intellectuellement ? Hein ? Intellectuellement, il est, avec sa façon de parler, il en a un petit peu quand même. D'ailleurs, s'il n'en avait pas, il serait pas comme il est. Oui, alors attendez, si vous n'aviez pas de quoi. Bon, je crois qu'on vient d'en parler, donc on va pas revenir dessus. Hein, y a des gens qui sont vraiment, vraiment fans de vous, Louis. Oh. Notamment les supporters du club que vous dirigez. Qu'est-ce qui vous plaît chez Louis-Nicolas ? Tout. Tout, c'est-à-dire sa finesse d'esprit, sa capacité d'analyse, sa poésie. Voilà, c'est bien tout ce qu'il fait. Il fait les recrues qu'il faut, à peu près. Donc, comment ça, à peu près ? Je pense que la faute qu'on a fait, c'est de prendre Herrera et de le laisser repartir. Herrera, il y a beaucoup trop de R dans ce nom de joueur, Louis. Qu'est-ce que vous avez foutu ? Bon, admettons qu'il s'appelle en fait Herrera. Est-ce qu'on peut se rappeler ce que vous disiez de lui à nos confrères de l'équipe ? Et l'autre est un peu feignasse, hein ? Herrera. Eh ben voilà, une belle feignasse payée des millions pour rien, parce qu'à Montpellier, on aime gaspiller du pognon, c'est comme ça. Quand on aime, on ne compte pas, et à Montpellier, on aime Louis Nicolas. Qu'est-ce que vous pensez d'un certain Louis Nicolas ? Beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de bien. Oh là là. Beaucoup de bien de Louis Nicolas ? Bah oui, c'est normal, non ? Pas quelqu'un de bien ? Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Vous pensez que vraiment c'est quelqu'un de bien ? Bah ouais, je pense. Enfin, je pense pas, je suis sûr, oui. Qu'est-ce qu'il a fait de bien dans sa vie ? Oh, il en a fait tellement, il faudrait qu'on reste... quelques heures, quelques jours, quelques mois ensemble pour vous expliquer tout ce qu'il a fait de bien dans la vie. Eh bien, vous en avez fait du bien, Louis Nicolas. Et cette voix, ça ne vous dit rien ? Non, mais attendez, est-ce que vous êtes tout à fait objectif ? Objectif, non, mais lucide, oui. Vous pouvez me rappeler votre nom ? Bon, Laurent, après, je pense qu'il commande. Après, il n'y a pas besoin de dire plus. C'est mon fils. Eh bien, oui, ça. Il va être ravi. Un certain Laurent Nicolas, qui vous aime beaucoup. Et moi aussi, je vous aime, Louis. On a tous un oncle qui nous fout un petit peu la honte à la fin des repas en racontant des blagues de cul. Et vous me faites penser à mon oncle, Louis. Donc je vous aime, mais j'ai un peu honte aussi de vous aimer. Et je vous aime aussi, Montpellier, toutes et tous. Oui, je vous aime, vous êtes formidables. Oui, je suis un démagogue, parce que moi aussi, je la veux, ma statue à Montpellier, comme tous les autres démagogues. Alors je vous donne rendez-vous dans 10 ans sur les marches de la place des grands hommes. Merci, Guillaume Meurice. Voyons, on vous aime, Loulou. C'est comme ça qu'on vous appelle. On vous appelle Loulou. Oui, mais ce que je regrette dans vos interviews, là, il n'y a pas une femme qui a parlé. Eh non, elle ne voulait pas s'exprimer à votre sujet. Merde. Elles ont fui en courant. À chaque fois que j'ai dit Louis Nicolas, elles partaient. Crois-moi que je les aime. Hein. C'est pas grave. Oui, mais vous les attachez, Louis. C'est peut-être un peu le problème. On est là, justement, vous êtes entouré. Vous avez votre droite Clara Dupont-Mono. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir faire équipe avec elle, parce que je vois que vous avez fait connaissance, pour traiter du deuxième sujet avec nous, Louis Nicolas. Eh bien, le deuxième sujet d'actualité, on va toucher un mot du président François Hollande. Oh, bah, vous l'avez déjà rencontré. On n'est pas dans la merde. Vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. On va faire équipe. Bon, d'accord. François Hollande qui a emmené la chancelière Angela Merkel en lune de miel diplomatique à Kiev et à Moscou. Une visite surprise du genre « Coucou Vladimir Poutine, c'est nous ». François et Angela sont en mission pour la paix. Ah oui, parce que la paix c'est bien, mais enfin, Mireille Mathieu, il y a des limites quand même. Donc François Hollande, comment vous le trouvez ? Est-ce que vous le trouvez changé ? Parce qu'il y avait le François Hollande avant les attentats, les événements, et puis maintenant, alors François Hollande c'est quand même le président qui va avec Angela régler les problèmes à l'est de l'Ukraine, c'est lui qui est le pivot entre Alexis Tsipras et Angela Merkel pour régler les problèmes de la dette grecque. Est-ce qu'il n'est pas devenu un peu un héros à vos yeux ? Il faut que je dise la vérité. Ouais, allez-y, oui, on est entre nous, hein. Personne n'écoute. On part en couille. Hein. Ah bah allons-y. Moi, partir en Ukraine, bon, il y a la guerre, c'est bien ce qu'ils font, mais moi, je serais parti avec Julie Gayet, avec Angela Merkel. Plutôt qu'avec Angela. Oh, et non, intronchable. Hein. On a le droit de dire ça. Bah, de toute façon, c'est trop tard. Hein. Oh, bah, oui, c'est trop tard, c'est tout. Moi, je cautionne. Moi, je suis plus objectif parce que je vous aime bien, alors que ce que vous voulez. Non, mais c'est bien ce qu'ils font, c'est bien, c'est bien. Mais oui, c'est vrai, alors, bon, tiens. Enfin, on va en faire 6 caisses. Vous vous intéressez à la politique, Louis, ou pas ? Ouais. D'accord, donc non, en fait. Est-ce que vous avez des amis en politique, parce que vous aviez Georges Frêche comme... Rien pour vous emmerder, je dirais Nicolas Sarkozy. Oui, ouais, bon, on l'aime bien. Il nous fait bien rire, on l'aime bien. Hein. Oui, on n'a rien contre personne, nous. Vous lui mettez quelque chose dans la pipe, mais enfin bon. Mais je crois que c'est de l'amour refoulé. Je pense aussi. Vous avec Angela, je pense, Louis. Angela, tu m'envoies avec Angela. Mais il paraît qu'elle vous adore, hein. Eh bien, tant mieux, elle me donnera toutes les poubelles en Allemagne, mais je ne sais pas ce que j'en foutrais, hein. Clara Dupont-Mono. Non, j'aime, c'est vrai, Georges Frey, c'est un ami. Et je pense qu'il y a une chose qui est pas mal. Dans ce bateau où vous êtes, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un bon commandant. Et c'est vrai que le nouveau maire de Montpellier, pas mal. Il y a toujours des subventions de la ville de Montpellier pour le club de foot? Comme au rugby, comme au handball, comme au volleyball, logique. Mais c'est surtout pour notre école de football et pas pour les joueurs professionnels. Ah ouais. Clara Dupont-Mono est à votre droite. Aïe. Non mais là, écoutez, c'est l'heure où on prend un peu de hauteur, parce que vous savez, nous on est des saltimbanques, mais Clara Dupont-Mono c'est une intellectuelle, une esthète. Oui, ça se voit d'ailleurs. Oui, c'est vrai, vous l'avez vu? Bah, il paraît que je suis bonne. Donc, on verra après tout à l'heure. Il y a un truc entre vous. Vous partiriez avec Clara Dupont-Mono même à Kiev. Ça oui, Louis. C'est une question. Il vous scanne. Il me regarde comme un rôti de veau. Et Dieu sait qu'il aime le rôti de veau. Voilà. Bon, donc ça. Passons. Bon, on a dit qu'on prenait de la hauteur, Clara. Allons-y. Avec des pommes de terre sautées. Allons-y, Clara. Oui, alors, Charline, l'actualité, c'est ma, moi, belle ville de Montpellier, la vôtre. Moi, je suis très heureuse d'être ici. Et aucune ville plus que Montpellier, en littérature, n'est autant faite pour l'amour. Alors, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ce sont les écrivains, parce que Montpellier, quand on se penche un peu sur la littérature, Montpellier a mis la tête à l'envers des écrivains. Il y a d'autres villes qui les ont inspirés, il y a Deauville, il y a Nice, il y a Paris, mais c'est... Il y a Maubeuge aussi, hein, j'ai pensé à Maubeuge, je pourrais brasser un peu moins quand même. La ville qui a fait grimper la température littéraire, c'est Montpellier. Je vous donne un exemple, par exemple, il y a un auteur qui a séjourné ici, qui s'appelle Valérie Larbeau, au début du XXe siècle, qui passait uniquement ses hivers à Montpellier, ce qui est très chic. Et il a écrit un texte qui s'appelle « Amant, heureux amant » et qui se passe à Montpellier. Et c'est le monologue d'un homme dans une chambre d'hôtel qui hésite entre deux femmes. Alors, les deux femmes sont la chambre à côté, elles sont en train de cuver leur champagne, il a couché avec chacune d'entre elles, donc, et il hésite. Bon, voilà. Alors, il y a Montpellier en toile de fond, tout se passe à Montpellier. Donc, vous voyez, il y a un petit côté où Montpellier, ça embrase un peu les imaginaires. Jean-Jacques Rousseau a séjourné à Montpellier pour se faire soigner. Quoi ? Le cœur, c'est pas moi qui l'invente. Il était sûr qu'il avait un polype. En fait, il était juste amoureux. Ça, c'est Jean-Jacques Rousseau. Et Jean-Jacques Rousseau, qui est quand même le seul à avoir pris une fessée quand il était enfant et à avoir eu une érection sauvage pendant la fessée, ce qu'il a raconté dans son livre Les Confessions. Et comme par hasard, on retrouve ce genre d'énergumène, non pas à ma gauche, mais à Montpellier. Puisque c'était. Beaucoup, hein. Voilà, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on retrouve ce genre d'énergumène. Donc Jean-Jacques Rousseau pouvait partir en couille, comme dirait Louis-Nicolas. Voilà, c'est du Nicolas dans le texte. Ouais. Voilà. Et en tout cas, il se trouve qu'il a transité, non pas à Maubeuge, mais à Montpellier. Donc c'est un vrai mystère, mais Montpellier, c'est la ville de l'amour. Elle transforme les écrivains, les gens, même la police parle d'amour, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Johnny Hallyday. Hier j'ai pris 230 à Montpellier. J'ai souri au radar photographié. Les flics m'ont dit Johnny tout de même. Mais il n'y a donc personne que tu aimes. Alors, à Paris ou à Maubeuge, si vous faites du 230 en voiture, il n'y a aucune chance pour que les flics vous disent « Mais il n'y a donc personne que tu aimes ?» Ça n'arrive pas. Ça n'arrive qu'à Montpellier. Et comme dirait Johnny, cette ville-là, mon vieux, elle est terrible. François Rabelais, il transite par la fac de médecine de Montpellier. Qu'est-ce qu'il écrit ensuite? Il écrit Gargantua et c'est sans une manière de se torcher le cul, texto. Donc Paul Valéry fait sa scolarité à Montpellier. Qu'est-ce qu'il écrit ensuite? Il écrit un poème crypté, très hot comme on dit, qui célèbre le sexe féminin et qui s'appelle Grenade. Et je vous cite, dure grenade entrouverte, cédant à l'excès de vos grains, ô grenade entrebâillée, craquer les cloisons de rubis, etc. Heureusement qu'André Manoukian n'est pas là. Au lycée de Montpellier, qui Paul Valéry rencontre-t-il? Il rencontre Pierre Louis. Et qu'est-ce qu'il écrira à Pierre Louis plus tard? Des textes porno-mystiques. Donc, ah, mais il y a un truc avec Montpellier quand même. Et donc, son premier roman va s'appeler Aphrodite. Donc, Montpellier a un effet aphrodisiaque sur les écrivains. Il est paru en 1896. Et voici comment, dans ce texte, Aphrodite, les hommes abordent les femmes dans les rues. Hé, hey, je te Tous. Salue. Non, on va le refaire. Voici comment les hommes donc abordent les femmes dans les rues. Hey, je te salue. Je te salue aussi. Où vas-tu si peu pressée? Je rentre. Oh, toute seule? Toute seule. Ouh, chez ton mari? Je n'en ai pas ce soir. Mmh. Enfin, c'est le vrai texte d'Aphrodite. Sans les roucoulements de Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, c'est découvert. Je vous regarde différemment. C'est Rocco Siffredi que nous avons avec nous. Mais vous avez une voix sexy comme ça, quand vous ne faites pas des blagues, vous. Salut, Charline. Bonjour, Guillaume. Ça va? Oui, et vous? Oui. Rocco, s'il vous plaît. Poursuivez, Clara. Alors, c'est assez direct. Je ne sais pas si on drague comme ça à Montpellier, mais en tout cas, c'est mieux que mythique. Et surtout qu'après, le texte que nous avons lu est vraiment le texte Aphrodite de Pierre-Louis. Et après, le texte s'embrase. Ah, comme tu joueras avec le bout de mes seins, comme tu défailleras sur mon corps mouvant, comme ma bouche sera bonne. Pourquoi vous ne m'avez pas fait dire ça, Clara? C'est la fille qui parle dans le texte. Et en plus, ils se connaissent depuis 2 minutes, c'est vous dire. Donc, si je résume, un écrivain qui passe au moins une fois dans sa vie par Montpellier, il écrira des textes sur l'amour à trois dans une chambre d'hôtel, sur une érection durant une fessée, sur un sexe féminin en forme de grenade ou sur une drague sauvage en pleine rue. Alors, c'est sûr, on peut être un peu plus romantique, on peut être un peu plus lent et rester insensible aux vices de Montpellier. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Alors, c'est vrai, ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge, d'accord. Ça ne vaut pas non plus les sortilèges. Après l'émission, nous, il y a des chances pour qu'on se déshabille tous dans le TGV, ce sera l'effet Montpellier. Merci Clara Dupont-Renaud. Alors, Louis-Nicolas, vous voyez, en fait, vous êtes, avec votre langage fleuri, vous êtes l'héritier de tous ces écrivains qui sont passés par votre ville. Je suis l'héritier, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, je trouve que je parle beaucoup mieux et beaucoup plus propre. Ah oui, vous avez dit, elle a dit non, plein de... Non, mais attention, intelligente. Hein. Ah, c'est pour ça qu'on l'a prise dans l'équipe. Elle le passe comme il faut. Hein. Ça serait dans ma bouche, de suite, le mec, il dirait « Oh, quel grossier personnage !» Et vous voyez, dans les Clara Dupont-Mono, ça passe mieux. Quand elle vous a ça cité... Ça glisse, quoi. C'est ça, dites-le franchement, ça glisse. C'est pas mal. Peut-être que Laurent Pitt a une réaction. C'est vous qui tenez la chandelle entre les deux, Laurent. Mais moi, je pense qu'il se passe quelque chose entre les deux. Il y a un contraste physique évident. Il y a une attirance physique évidente aussi. Et sur le côté mais moi, je peux pas me mettre à poil dans le TGV. Je fais fuir tout le monde. Hein. Moi, je voulais vous dire, Louis, j'ai des saucisses de morteau, si vous voulez. C'est tout ce que je peux vous dire. Laurent, vous avez j'aime reconnu la littérature, votre ville. Ça vous a fait plaisir, cette petite chronique? Oui, effectivement. Oui, c'est vrai qu'on est chaud aussi. Vous aviez vu les choses comme ça? Mais je vois que Guillaume Meurice s'adapte vite à la ville avec cette petite voix. Et ouais. Tu veux pas faire une émission la nuit, toi? Nous sommes en compagnie du président du Montpellier Hérault, Louis Nicolien, alias Dieu à Montpellier. Et on va aborder avec vous le troisième sujet, un sujet bien d'ici, la région Languedoc-Roussillon, qui entame la fusion avec la région Pyrénées-Atlantiques. Résultat, pour de... Non, c'est pas ça. Midi-Pyrénées, voilà. Je savais que j'allais faire une boulette, et heureusement que là... Ça, il fallait que j'en fasse une. On parlait de saucisses, il fallait... Bon. Résultat, pour devenir la capitale de la super région, ce serait la 19e d'Europe en taille. Montpellier face à Toulouse. Il va falloir encourager votre équipe municipale à Montpellier. Attention, écoutez, je compte sur vous ici. Hein. Dans cette fusion des deux grandes régions pour une super région, est-ce que c'est Toulouse qui va être la capitale? Ben écoutez, moi je vais vous répondre, là pour une fois on va pas dire de conneries. Je suis complètement hostile à cette fusion parce que j'estime que Montpellier est une grande ville, une grande capitale. Et ça m'embête que demain que ça soit plus le Languedoc-Roussillon parce que je crois que c'était quelque chose de merveilleux. Là qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de nos fonctionnaires, de nos gens? Parce que sûr que Toulouse vont être les chefs. Alors j'aime bien Toulouse, il y a de jolies filles, tout, les violettes, etc. et tout. Mais on est aussi bon à Montpellier. Ça m'ennuie énormément. Clara Dupont-Menon. Ah, vous avez des supporters. Oui, ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Je trouve qu'ils sont un peu toulousains, là, ouais. Quand même. Hein. Peut-être qu'on peut faire un sondage exclusif France Inter, si tu écoutes j'annule tout dans la salle. Qui est pour la fusion? Lève le bras. Ah, et bien, sondage exclusif France Inter, sur 500 personnes, il y en a 8 qui sont pour la fusion. Ou alors, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de bras aussi. Ah, bravo. Laurent Pitt, vous avez raison. Oui, mais qui s'exprime bien. Clara Dupont-Mono. Qu'est-ce que vous pensiez du projet de Georges Frêche qui révèle la septimanie? Vous vous souvenez de ça? Mais bien sûr, je me souviens. Un homme remarquable. Oui. Et s'il était là, à mon avis, Valls, il aurait pas fait hein, la ça, fusion. Sa réforme. Maman, il aurait mordu. Alors là, bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'espère que notre maire va se mettre au milieu et il va aller au combat. Mais il s'entend bien avec le maire de Toulouse. Enfin, c'est ce que dit la presse. Hein. C'est intelligent. Plutôt que d'être dans la rivalité, ils sont plutôt dans la bonne entente pour être plus forts face à ce nouveau défi. Mais c'est souvent les ex-PS et l'UMP qui s'entendent bien. Hein. C'est ah, bien, parce ça. Que c'est un dissident. Ça me plaît, ça. Ouais, voilà. Ça me plaît énormément. Vous aimez les dissidents, vous? Vous avez un côté frondeur? Oh, la politique, non, mais... Ça me plaît. Toujours la gauche, il y en a plein de cul. Ouais. Hein, un peu la droite et tout va bien. Les frondeurs comme Maradona, ça vous parle plus? Maradona? C'est un frondeur, c'est un... Il a failli venir entraîner Montpellier, et quand j'ai su le salaire qu'il demandait, eh ben, il fallait vendre au moins 50 camions poubelles, c'était embêtant. C'était embêtant. Mais Montpellier peut peut-être devenir la capitale culturelle. Il est évident que la venue de France Inter aujourd'hui à Montpellier marque la ville comme capitale culturelle de la super-région, non? Louis-Nicolas, je vais vous présenter celui que le public de France Inter et dans la salle aussi attend tous les vendredis. Mmh. Il s'appelle Frédéric Fromet, je propose qu'il entre. Ah, il est déjà là, je ne l'avais pas vu. Vous êtes tellement discret, Frédéric Fromet. On attend chaque vendredi avec impatience vos couplets, vos refrains. Et aujourd'hui, pour Montpellier, qu'est-ce que vous avez réservé? Bien, à la veille d'une élection dans le Doubs, je voudrais faire un clin d'œil à tous ceux-là qui en veulent aux immigrés, qu'ils auraient pas le niveau pour s'intégrer. Y en a qui ont le culot de venir chez nous en France qu'on a été élevés, sans qu'ils savent dire un mot comme si qu'on était sourds. Moi, c'est qu'est-ce que je vois, hein. Malgré qu'ils soient pas forts, ce serait moins pire pour eux s'il ferait un effort pour parler plus mieux. Encore un espèce de petite tarlouse. Si toujours vous disiez des fautes horribles, quand on pense que je suis rémunéré, faisait pas les étonnés qu'on vous prenne pour cible. Je sais c'est quoi qu'on dit, je m'ai pas trompé. Je vais vous faire montrer un Airbus. Un jour c'est nous qu'on va vous expulser par l'arrêt au port avant qu'on fait un infractus. Y'a trop de gens qui voient leur avenir sur Paris en vélo, en moto, et qui vont au docteur ou aux putes pour faire plaisir à Nicolas. Y'a trop de gens qui croient venir dans ce pays comme s'ils seraient chez eux. Ah si, c'est pas honteux. Y'a trop de gens qui voient comme si qu'on aurait trop de boulot. Moi je vois dans la famille à ma femme, on n'a pas 100 euros, passe-moi-en un. Y'a trop de gens qui croient, ouais, au jour d'aujourd'hui, qui croient qu'ils peuvent s'intégrer. Écoutez ce coquet, ce que je dis, c'est nous qu'on cause français. Frédéric Fromet, ça c'était une chanson spécialement dédicacée aux auditeurs de France Inter qui sont tellement à chevaux sur l'orthographe. Hein. N'est-ce pas, Frédéric? Merci Louis-Nicolas d'être resté avec nous. On était ravis de vous recevoir. Ben c'est moi qui vous remercie parce que finalement c'était sympa. Ah ouais, vous aviez des appréhensions. Si même si je me suis trompé en pensant qu'on parlait de football. Oh, on a parlé un petit peu de football. Vous dites aussi de conneries comme moi. Alors donc, Non, mais on voulait avoir votre regard aussi sur les choses parce que vous avez un avis citoyen et vous êtes quelqu'un qui crée du vivre ensemble aussi. En ce moment, c'est important dans les clubs de foot, dans les entreprises, le vivre ensemble. Elle parle c'est bien. C'est ce qu'on a fait. On était ravis, merci Clara Dupont-Moretti. Merci, merci. Votre calèche vous attend, ou peut-être un camion de Louis-Nicolas qui va vous ramener, je ne sais pas. Non, mais il fera très bien le cheval. Merci beaucoup. Merci Guillaume Meurice. Merci, et merci vraiment au public de Montpellier, vous étiez formidables. Merci pour votre accueil à l'Hôtel de Ville, merci infiniment. On se retrouvera lundi, on laisse le mot de la fin à Angela. Angela, ce qu'elle a répondu à François quand tu lui as proposé de l'amener à Kiev et à Moscou. Un rendez-vous? Ah, c'est une grosse folie! Tous les samedis à partir de 15h sur France Inter, la librairie francophone, Emmanuel Kérad. Au programme de votre émission internationale ce samedi, une rencontre inédite et exclusive entre Bernard Lavillier et Jean-Claude Carrière autour de deux livres, l'un scientifique, l'autre pour la jeunesse. Nous irons aussi en Grèce avec l'écrivain belge Charlie Deloart qui porte un regard original sur la crise à Athènes. La librairie francophone, tous les samedis sur France Inter à partir de 15h. À retrouver aussi en podcast sur franceinter.fr. France Inter, partenaire avec France 2 des 30e Victoires de la Musique, le vendredi 13 février en direct du Zénith de Paris. Révélation, musique live et interview. Retrouvez l'intégralité des Victoires de la Musique sur France Inter à partir de 20h à l'occasion d'une émission spéciale présentée par Colin et Mauduit. France Inter et le Crédit Mutuel donnent le la aux Victoires de la Musique. Renseignements sur franceinter.fr. Dans une petite poignée de secondes, il sera 18h pétante sur France Inter.